Ouais. Aïe. 9-3-5. 9-4 cousin. Montreuil sous. Aïe, il est boycotté. Val de Fontenay. Aïe, BX. Ça fait. L'agent V, T-E-Z. S-A-N. Aïe, il est boycotté. L-O-W, ma cache, l'air. Leur dit. Si, la famille. Si, la famille. Armé d'un maille, je crache ma haine et mon manque de maille. J'ai des textes à l'appel et des frères prêts à faire mal. Marque cette spirale infernale, taxe sur taxe, l'État nous pirate. Les boycottés, tu te demandes qui c'est qui rap. Autodidacte, bien sûr que c'est nous qui gratte. Pichikra tout en s'éclat, tout checka, mettez mes cras. Appelle 16h, déjà 11ème pète que je t'éclate. Je veux voir la vie en gros, oublier tous ces petits détails. Je veux ma place en haut, car sur terre, je suis que bas de gamme. Dans ce bas de game, comme c'est Spock, les RSS et les Batman. Gros jaune à la Pac-Man, tu payes ta place au parc, mettre embarqué. Du parquet passe au placard, sans dire bye. À la pute des trois quarts, je répète la même. Je sais, je suis fixé comme le radar. C'est pas la même recette, hein, bande de petits bâtards. On se régale tant qu'on fait de l'argent légal ou illégal. Les boycottés, c'est l'escale. Roule à ta réponse-toi. Ouais, je te vois faire nos bacs et j'entends dire que t'aimes pas. On fout le wood en promenade comme l'arrivée d'une red bar. On se régale tant qu'on fait de l'argent légal ou illégal. Les boycottés, c'est l'escale. Roule à ta réponse-toi. Ouais, je te vois faire nos bacs et j'entends dire que t'aimes pas. On fout le wood en promenade comme l'arrivée d'une red bar. Je suis qu'un chien de la case, c'est normal que les chats soient cadenassé, camasé, crâne rasé, traînant au pied de la cité, incité à faire l'illicite par nécessité. Sympathiser autour d'un spliff et d'une soirée arrosée. Ta rochite augmente en même temps que l'état rossé. Rêver d'une testarossa pour tester ta receu. Ouais, l'état starossa demande à thèse, vous serez bien reçu. Pas de joli récit ici, on survit grâce à la résine. Résigné à lâcher le rap et le mic, oui, j'y ai pensé. C'est comme le shit fort et la dépendance, je fais qui penser. Marcher sur un chemin penché, à trop rêver de vouloir percer. Je m'y perds, c'est grave, mais ça en devient trop personnel. Comme ton père du soir quand tu trouves pas le sommeil. Arrivé de somme, ouais, mais mes frères se mangent des coups de semelle. Entouré de Zemel, t'as pas honte, la rue c'est le Zoman. Normal que ça parle braquage, bigrave meurtre dans le journal. On se régale tant qu'on fait de l'argent légal ou illégal. Les boycottés, c'est l'escale. Roule à ta réponse-toi. Ouais, je te vois faire nos bacs et j'entends dire que t'aimes pas. On fout le wood en promenade comme l'arrivée d'une red bar. On se régale tant qu'on fait de l'argent légal ou illégal. Les boycottés, c'est l'escale. Roule à ta réponse-toi. Ouais, je te vois faire nos bacs et j'entends dire que t'aimes pas. On fout le wood en promenade comme l'arrivée d'une red bar. Pas de camé cramé dans mon équipe, rien que des boycottés mis sur le côté. On rappe et je vois bien que t'as l'air choqué. J'suis estomaqué sa plante pour un veston de marque. Ouais, j'suis maqué au rap, frère. Donc écoute ma maquette de croix de chava freine jusqu'au parking de la matin. J'suis vraiment pas du matin quand le shit l'alcool matin. Pas besoin de ta taurine, Vince rime avec soirée torride. Y'a trop de rimes donc la cabine se transforme en scène de crime. Ta femme écarte tes bleus, pompon liquide ta carte bleue. J'te découpe et t'es en vie. Mon gars fait un vœu, j'fume ta bœuf, tu fermes les yeux. Et sans demander ton avis, mesdames, messieurs, je suis bloqué. Donnez-moi les clés de la ville. Vous verrez, vos enfants sont plus tranquilles. Après avoir fumé, liquidé tout mon kill, vous feront les poches pour une dish. Chèque ça fuge et chèque ça triche. Thèse n'est pas à l'affiche, ni à l'affût du gros fit. On se régale tant qu'on fait de l'argent légal ou illégal. Les boycottés, c'est l'escale. Roule à ta réponse-toi. Ouais, je te vois faire nos bacs et j'entends dire que t'aimes pas. On fout le wood en promenade comme l'arrivée d'une red bar. On se régale tant qu'on fait de l'argent légal ou illégal. Les boycottés, c'est l'escale. Roule à ta pose-toi, ouais, je te vois faire nos bacs et j'entends dire que t'aimes pas. On fout le wood en promenade comme l'arrivée d'une red bar. On se régale tant qu'on fait de l'argent légal ou illégal. Les boycottés, c'est l'escale. Roule à ta pose-toi, ouais, je te vois faire nos bacs et j'entends dire que t'aimes pas. On fout le wood en promenade comme l'arrivée d'une red bar. On se régale tant qu'on fait de l'argent légal ou illégal. Les boycottés, c'est l'escale. Roule à ta pose-toi, ouais, je te vois faire nos bacs et j'entends dire que t'aimes pas. On fout le wood en promenade comme l'arrivée d'une red bar.